بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثالث عشر من هذه السلسلة في كتاب الصيام. Nous sommes donc au 13e cours dans cette série du chapitre du jeûne tiré du livre عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله. وقد وصلنا إلى الحديث السادس. Nous sommes arrivés au sixième hadith. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. Selon Aïcha رضي الله عنها qui dit il me restait, j'avais des jours de jeûne à rattraper de Ramadan. J'avais des jours de jeûne à rattraper du Ramadan. Et je n'arrivais à les rattraper que durant Sha'ban, c'est-à-dire donc le mois juste avant Ramadan. Nous avons Ramadan, ensuite Shawwal, et ensuite tous les autres mois jusqu'à ce qu'on arrive à Sha'ban. Sha'ban, le mois qui précède donc Ramadan. فأولاً, donc tout d'abord, في هذا الحديث زاد مسلم في صحيحه الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, Muslim a cité un rajout dans son recueil, l'imam Muslim a cité un rajout dans son recueil, qui est الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le fait d'être occupé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ عَائِشَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْقَضَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ لِشُغْلِهَا بِالنَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam وَنَسَبُوا هَذَا الْقَوْلَ إِلَى عَائِشَ. Et donc certains savants, ils ont dit que Aïcha radiallahu anha, elle n'a pu rattraper ses jours de jeûne que durant le mois de Sha'ban à cause du fait qu'elle était occupée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont attribué cette parole à Aïcha radiallahu anha. Et donc, elle était occupée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle ne jeûnait pas, donc du fait qu'il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la désire, et donc elle restait prête par rapport à cela. وذهبت طائفة أخرى إلى أن هذا الكلام ليس كلام عائشة وإنما هو كلام أحد الرواة أراد شرح الحديث. Et d'autres savants, ils voient que cette parole se rajoute, ce n'est pas la parole de Aïcha radiallahu anha, mais que ceci est la parole d'un des rapporteurs du hadith qui a voulu tout de suite après avoir cité le hadith donner une explication. Et donc il a cité ce rajout. Et d'autres ont pensé que c'était la parole de Aïcha radiallahu anha. لذلك أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه ثم قال قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son recueil al-Sahih, il a cité ce même hadith de Aïcha radiallahu anha, et ensuite à la fin du hadith il dit qala Yahya, il dit Yahya a dit. Le fait d'être occupé par le messager par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc al-Bukhari ici il précise que cette parole c'est la parole de Yahya et donc non la parole de Aïcha radiallahu anha. طيب يستفاد من الحديث أن قضاء رمضان موسع الوقت. On comprend de ce hadith que le fait de rattraper les jours de jeûne du mois de Ramadan se fait dans un temps qui est large. Se fait dans un temps qui est large. La personne elle a toute l'année donc pour rattraper son jeûne. فمن أفطر في رمضان له إلى قبل دخول رمضان الثاني للقضاء. Et donc celui qui a rompu son jeûne pendant Ramadan, voyage ou maladie ou menstrue ou autre, toute personne qui entre dans ce cas, qui a rompu son jeûne pendant la journée de Ramadan, alors cette personne est là toute l'année pour rattraper ce jeûne jusqu'à un peu avant, jusqu'à avant le début du deuxième Ramadan. وذهب الطائفة قليلة إلى أن من أخر القضاء عن شوال فهو آثم. Et il y a très peu donc de savants, ils voient que celui qui n'a pas fini de rattraper ses jours avant la fin de Shawwal, alors il est pécheur. Celui qui n'a pas fini de rattraper ses jours avant la fin de Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui est juste après Ramadan. Ça veut dire que tu as rompu pendant Ramadan durant quelques jours. Si à la fin de Shawwal, tu n'as pas fini de rattraper tes jours, tu es pécheur. وهذا القول يرده حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك من زوجته ويقرها عليه. Et cet avis que je viens de vous citer, cet avis, il y a le hadith du prophète, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qu'on vient de voir. Ce hadith la réplique à cet avis. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que son épouse Aïcha, elle ne rattrapait donc ses jours de jeûne que durant Sha'ban, et malgré cela, il la laissait faire cela. Malgré cela, il ne l'a pas donc corrigée ou blâmée. ثم يرد هذا القول أيضا قول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. Et aussi il y a la parole d'Allah Ta'ala qui va répliquer à cet avis. La parole d'Allah lorsqu'il dit فعدة من أيام أخرى. Alors rattrapez vos jours durant d'autres jours. Rattrapez vos jours manquants durant d'autres jours. فالله تعالى لم يعين فمن عين لزمه الدليل. Et donc Allah, il n'a pas cité de jour de façon spécifique. Celui donc qui va donner une limite, qui va donner des jours de façon spécifique pour rattraper le jeûne de Ramadan, il lui incombe de citer une preuve. Il lui incombe de citer une preuve. Wal a'immatu al-arba'a 'ala anna man aftara fi Ramadan lahu an yaqdiya ila qabli Ramadan al-thani. Et les quatre imams, ils voient que la personne qui a rompu le jeûne pendant Ramadan est là jusqu'au prochain Ramadan pour rattraper son jeûne. Lakin law akhara al-qada' hatta dakhala Ramadan al-thani madha 'alayhi. Cependant, si la personne elle tarde dans le fait de rattraper ses jours manquants. Si la personne tarde dans le fait de rattraper ses jours manquants à tel point que le deuxième Ramadan commence. Exemple, quelqu'un l'année dernière, pendant Ramadan, qui n'a pas jeûné tout le mois. Et elle a laissé tarder jusqu'à maintenant. Là, on est arrivé donc à la moitié de Sha'ban et la personne dit qu'il lui reste encore plusieurs jours à jeûner, à rattraper. Et le début de Ramadan, il commence, il arrive. Elle n'a pas fini de rattraper ses jours de jeûne. Qu'est-ce qui incombe à cette personne? ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يقضي فقط ولا فدية عليه. Certains parmi les gens de science, ils voient que cette personne, elle doit juste rattraper ses jours de jeûne. Cette personne doit juste rattraper ses jours de jeûne, mais qu'il n'y a pas d'expiation. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي ويطعم لكل يوم مسكينا. Et l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils voient que cette personne doit rattraper ses jours de jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour manquant. أخرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حطة لكل مسكين فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه وصحح الدارقطني إسناده. الدارقطني il a cité dans son recueil selon Abi Hurairah radiallahu anhu qu'il fut interrogé concernant un homme qui est tombé malade pendant Ramadan. Puis, il fut guéri. Mais n'a pas jeûné, il n'a pas rattrapé ses jours de jeûne jusqu'à ce que le deuxième Ramadan arrive. Alors Abu Hurairah radiallahu anhu, il a répondu en disant « Il jeûne le mois qui vient d'arriver. » Donc le deuxième Ramadan. Il jeûne le mois qui vient d'arriver. Et il nourrit concernant le mois manquant, donc le mois d'avant, le premier Ramadan, il nourrit concernant celui-là un pauvre pour chaque jour d'une quantité de un moud de blé. Un moud de blé, donc c'est les deux mains jointes. Les deux mains jointes. On a le sa'a. Le sa'a, c'est quatre fois les deux mains jointes. Et donc le moud, une fois les deux mains jointes de blé pour chaque jour. Et ensuite, il continue donc, Abu Hurairah radiallahu anhu, et il dit, et lorsqu'il a fini cela, donc lorsqu'il a fini donc le Ramadan actuel, puis le fait d'avoir nourri un pauvre concernant le Ramadan passé, un pauvre pour chaque jour manquant, lorsqu'il a fini cela, alors il rattrape les jours qu'il a négligés du Ramadan passé. Et Ad-Darqutni, il a jugé la chaîne de transmission authentique. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste dans ce sujet. Wallahu ta'ala a'lam. Le fait que la personne qui va tarder dans le fait de rattraper ses jours, et jusqu'à ce que vienne le Ramadan, le deuxième Ramadan, cette personne, en plus de rattraper ses jours, elle doit donc avoir une expiation, le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour manquant. وذكر العلماء أيضا من فوائد هذا الحديث أن المرأة تستأذن زوجها في قضاء الصيام إلا إن خافت فوات الوقت فيتعين عليها الصيام. Et donc, et les savants, ils ont cité aussi parmi les leçons profitables de ce hadith, le fait que la femme, elle demande la permission à son mari pour rattraper les jours de jeûne. Elle demande la permission à son époux pour rattraper ses jours de jeûne. Sauf si elle a peur que le temps déterminé pour rattraper ses jours s'écoule. Elle a peur que le temps déterminé pour rattraper les jours de jeûne s'écoule. Alors à ce moment-là, il lui incombe de jeûner. Elle va donc jeûner. Al-Hadithu al-Sabi'a. Le septième hadith, Inch'Allah ta'ala. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وأخرج أبو داود وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. Le septième hadith selon عائشة رضي الله عنها que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui meurt alors qu'il lui reste des jours de jeûne, donc à rattraper, wa alayhi siyam, c'est-à-dire il a des jours de jeûne à rattraper, sam anhu waliyu, un de ses proches jeûne pour lui. Celui qui meurt alors qu'il lui reste des jours à rattraper, un de ses proches jeûne pour lui. » Et ce hadith, donc, a été rapporté par Abu Daoud. Donc, ici, elle marque d'ici, il nous dit, donc, le hadith a été rapporté par Abu Daoud, qui dit, après avoir cité le hadith, il dit à Abu Daoud que cela concerne un nadr, le vœu. Donc, la personne qui va rattraper le jeûne pour son proche, qui est mort, cela concerne le vœu. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. قبل ذكر الخلاف بين العلماء في هذا الحديث ينبغي أن يعلم أن العلماء أجمعوا على أن من لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه Avant de citer la divergence des savants concernant ce hadith, il est important de savoir que les savants sont unanimes sur le fait que celui qui n'a pas eu la capacité de jeûner, alors il n'incombe rien du tout. فَمَنْ أَفْتَرَ فِي رَمَضَانِ مِنْ مَرَضٍ مَثَلًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ مَعَهُ الْمَرَضٍ حَتَّى مَاتٍ لَا يُصَامُ عَنْهُ. Et donc celui qui a rompu le jeûne pendant Ramadan, à cause d'une maladie par exemple, puis que cette maladie, elle a persisté avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Et donc il n'a pas eu la capacité de rattraper ses jours de jeûne. Alors celui-là, on ne va pas jeûner pour lui. وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ. Et on ne va pas non plus nourrir le pauvre pour lui. الْخِلَافُ الَّذِي سَنَرَاهُ فِي مَنْ قَدِرَ عَلَى الْقَضَى فَلَمْ يَقْضِي ثُمَّ مَتْ. La divergence que nous allons voir aujourd'hui, elle concerne la personne qui a rompu pendant Ramadan, puis qui a eu la capacité de rattraper ses jours de jeûne, mais qui ne l'a pas faite. Elle n'a pas rattrapé ses jours de jeûne, puis est morte. Voilà la divergence que nous allons voir aujourd'hui. فذهب أبو ثور وابن حزم إلى ظاهر هذا الحديث أي أن من مات وعليه صيام يجب على أوليائه أن يصوموا عنه. Et donc Abu Thawr et Ibn Hazm, ils voient, ils ont opté pour ce qui est apparent de ce hadith. C'est-à-dire que celui qui est mort et qu'il lui reste des jours de jeûne à rattraper, alors il incombe à ses proches de jeûner pour lui. Il incombe à ses proches de jeûner pour lui. Parce que c'est ça qu'on comprend du hadith de Aïcha radiallahu anha. وَاسْتَدَلُّ أَيْضًا بِالْحَدِيثِ الثَّامِنِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفِ. Et ils se sont aussi basés sur le 8e hadith qu'a cité l'auteur. Ici, on a cité le 7e hadith. Et donc maintenant, le 8e. الْحَدِيثُ الثَّامِنِ أَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. Le huitième hadith selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ô messager d'Allah, certes ma mère est morte alors qu'il lui restait un mois de jeûne à accomplir. » Il lui restait un mois de jeûne à accomplir. Est-ce que je peux m'acquitter de cela pour elle ? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vois-tu si ta mère, elle avait une dette ?» Si ta mère, elle avait une dette, est-ce que tu te serais acquitté de cette dette pour elle ? Kolenam, l'homme a dit oui. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les dettes envers Allah sont plus en droit d'être acquittées. Les dettes envers Allah sont plus en droit d'être acquittées. Wa fi riwaya, ja'at imra'atun ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat, ya Rasul Allah, إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلِيهَ صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا. Et dans une autre narration, une femme est venue voir le messager d'Allah, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ô messager d'Allah, certes, ma mère est morte alors qu'il lui restait des jours de jeûne liés à un vœu à accomplir. Est-ce que je dois jeûner pour elle ?» قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme, vois-tu, si ta mère elle avait une dette et que tu t'étais acquitté de cette dette pour elle, est-ce que cela aurait permis de rembourser cette dette? Qalat na'am, elle a dit oui. Alors, faqala fa soumi an ummik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors jeûne pour ta mère. Fa hadhihi hujjat Ibn Hazm ala anna as-sawm an al-mayyit wajib. Et donc ça c'est la preuve d'Ibn Hazm rahimahullah pour dire que le fait de jeûner pour le mort est obligatoire. Et donc il se base sur ces deux hadiths, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha et le hadith d'Ibn Abbas. Les deux hadiths qu'on vient de lire précédemment. Et donc ça c'est le premier avis. Wa dhahaba al-jumhur wa hum Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i ila annahu la yasum ahadun an ahad. Et la majorité des savants, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ils voient que personne ne jeûne pour quiconque. Personne ne jeûne pour quiconque. Donc on a le hadith de Aïcha. Le hadith de Aïcha qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, alors ses proches, un de ses proches va jeûner pour lui. Le hadith d'Ibn Abbas qui stipule que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les dettes envers Allah sont plus en droit d'être acquittées. Et donc malgré ça, on a la majorité des savants qui voient que personne ne jeûne pour quiconque. وَمَنْ مَتَ وَعَلَيْهِ سِيَامْ اُطْعِمَ عَنْهُ. Et la personne qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, alors on va nourrir des pauvres pour elle. On va nourrir des pauvres pour cette personne. Voilà ce qu'on fait. اِسْتَدَلُّ بِفَتَاوَى وَالصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ جَاءَ مِثْلَ ذَلِكَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرٍ. Ils se sont basés sur des fatwas des compagnons. Car cela a été rapporté de Ibn Abbas et Ibn Omar avec des chaînes de transmission authentiques, donc qui voyaient que celui qui meurt, on ne va pas jeûner pour lui, mais on va nourrir un pauvre. Et là, vous remarquez que parmi les compagnons qui ont dit ça, on a qui ? Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Alors que Ibn Abbas, c'est lui qui rapporte le 8e hadith qu'on a vu aujourd'hui. Ibn Abbas, c'est lui qui rapporte le hadith durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, certes les dettes envers Allah sont plus en droit d'être acquittées. Mais malgré ça, Ibn Abbas il dit que on ne va pas jeûner pour l'homme, l'individu qui est mort en ayant des jours de jeûne à rattraper. Wa ja'a kadhalika an Aisha. Aisha aussi. Alors que Aisha, c'est elle qui rapporte le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, alors un de ses proches jeûne pour lui. Aïcha, elle rapporte ce hadith-là. Et ici, on voit que Aïcha, elle ne voit pas que celui qui meurt, on doit jeûner pour lui. J'ai an Aïcha, anna Umra bint Abdirrahman, سألتها إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها. Il était rapporté de Aïcha رضي الله عنها que Umrah bint Abd al-Rahman, elle lui a demandé, certes ma mère est morte et il lui restait des jours de Ramadan à rattraper. Est-ce qu'il est convenable que je les rattrape pour elle? قالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين. Aïcha, elle a répondu donc à Amra, elle lui a dit non. Elle lui a dit non, tu ne jeûnes pas. Mais par contre, donne en aumône pour chaque jour, donne une aumône pour chaque jour à un pauvre. Donne une aumône pour chaque jour à un pauvre. وعائشة هي التي روت حديث الباب ولم تفهم منه العموم. Et Aïcha, c'est elle qui a rapporté le hadith qu'on étudie aujourd'hui. Mais elle n'a pas compris de ce hadith qu'il est général. Elle n'a pas compris, Aïcha, de ce hadith que toute personne qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, on doit jeûner pour elle. Elle n'a pas compris ça du hadith, Aïcha radhiyallahu anha. وكذلك ابن عباس لم يفهم العموم. Et aussi Ibn Abbas non plus, il n'a pas compris que cela est général, que cette parole elle est générale. Mais annahu huwa alladhi rawa al-hadith Dinullahi ahakka an yuqda. Alors que Ibn Abbas, c'est celui qui a rapporté le hadith. Certes, les dettes envers Allah sont plus en droit d'être rattrapées. Comme on l'a cité précédemment. Al-Qawlul Akhir, le troisième et dernier avis qu'on voit ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Wa huwa qawlul Imam Ahmed. أن من مات وعليه صيام أطعم عنه ولا يصام عنه إلا في صوم النذر. Le troisième et dernier avis, l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah, c'est que celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, alors on va nourrir des pauvres pour lui, mais on ne va pas jeûner pour lui, sauf si les jours de jeûne qu'il avait à rattraper étaient liés à un vœu. Si c'est lié à un vœu, là on va jeûner pour lui. Là on va appliquer le hadith d'Aïcha. Celui qui meurt et en ayant des jours de jeûne à rattraper, alors un de ses proches va jeûner pour lui. Là on va appliquer le hadith d'Aïcha quand c'est un vœu. Mais si ce n'est pas un vœu, si c'est des jours de Ramadan par exemple à rattraper, alors à ce moment-là non, on ne rattrape pas, on ne jeûne pas pour lui, mais on va nourrir un pauvre. Ça c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Fajama'a bayna al-adillah. في الأحاديث التي فيها الصيام عن الميت مختصة بالنذر. Et donc il a rassemblé les preuves dans ce sujet, l'imam Ahmed rahimahullah. Les hadiths qui citent le fait de jeûner pour la personne qui est morte. Et donc ces hadiths là concernent le vœu, la personne qui avait fait un vœu. وكذلك جاءت بعض الروايات أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا فلم تصوم حتى ماتت فسألت بنتها أو أختها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأمرها بالصيام. Et aussi il a été rapporté dans certaines narrations qu'il y a une femme qui avait fait le vœu de jeûner un mois, mais elle ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'elle meure. Alors sa fille ou sa sœur est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a interrogé et celui-ci lui a ordonné donc de jeûner. Et donc ça concerne le vœu. Et on l'a vu aussi, la narration. On a cité le hadith d'Ibn Abbas tout à l'heure et on a dit « Fi riwaya » dans une narration, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Certes, ma mère elle est morte alors qu'elle avait des jours à rattraper, des jours de jeûne à rattraper liés à un vœu. » Cette narration, elle a stipulé le vœu. فأخذ الإمام أحمد بفهم الصحابة ووافقه على ذلك ابن القيم رحمه الله. Et donc l'imam Ahmed rahimahullah, il a rassemblé les preuves, il a pris ces preuves là et il a aussi pris la compréhension des sahaba sur ce sujet. Surtout que il n'est pas connu qu'il y ait eu des compagnons qui aient contredit Aïcha, Ibn Abbas et Ibn Omar dans ce sujet. Et donc il s'est basé donc sur les preuves, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la compréhension des sahaba dans ce sujet. Wala unadharna, et donc pour finir, wala unadharna fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, deynullahi ahaqqu bil qada. Fa sawmu ramadan la yushbihu ad-dayn. Si on regarde la parole, si on médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit les dettes envers Allah sont plus en droit d'être acquittées, on regarde cette parole et on médite sur cette parole et on regarde la situation donc du jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan ne ressemble pas à une dette. لماذا لأن صيام رمضان الله تبارك وتعالى هو الذي أوجبه على العبد. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a imposé au serviteur. Amma ad-dayn fa al-'abdu huwa alladhi yulzimu nafsahu bi hadha ad-dayn. Tandis que la dette, c'est le serviteur lui-même qui va s'imposer cette propre dette. C'est lui qui va aller voir quelqu'un pour lui demander « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent et je te rembourse ?» À ce moment-là, il lui est obligatoire de rembourser. Mais s'il n'a pas emprunté de l'argent à quelqu'un, on ne va pas lui imposer de rembourser. Rembourser quoi? Il n'a pas emprunté. Et donc, on fait la distinction entre les deux. Amma nadhru fana'am. Par contre, le vœu, oui. An-nadhru al-'abdu huwa alladhi awjaba an-nadhra 'ala nafsihi. Alzama nafsahu bin-nadhr. Le vœu, c'est le serviteur qui a imposé, qui s'est imposé lui-même ce vœu. C'est lui qui a fait le vœu de faire quelque chose, puis ce vœu, l'accomplissement du vœu est devenu obligatoire. Et donc là, ça ressemble à la dette. Et là, on va dire « Deynullahi ahakku bilwafa ». Les dettes envers Allah sont plus en droit d'être acquittées. Et donc, on va faire, concernant ce sujet, on va faire la distinction entre la personne qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper liés à un vœu et la personne qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper liés à autre que cela, Ramadan ou autre. Et donc voilà par rapport à ce sujet et l'avis le plus juste dans ce sujet, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'avis de l'imam Ahmed. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. On arrête là pour ce soir et demain, bi'idhnillahi ta'ala, on continue dans cette série. Wafakallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa radah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.